ngurungura bino pongi reposé an emba anava dami doctor ai yo mukukenda boye anava ai Ça se mousse à la tête.